Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. Vous écoutez Fréquence Protestante, bienvenue dans une nouvelle mécanique des ondes. Durant une quarantaine de minutes, nous parlerons de radio et de la carrière d'un de ses acteurs. Et dans cette 57e mécanique, on va évoquer un autre des quelques métiers liés à la radio, la musique et sa promotion. Mon invité a commencé face à plusieurs micros du temps des radios libres et est aussi un grand amoureux de musique, tellement qu'il a lâché le micro pour s'y consacrer pleinement en aidant de nombreux groupes et artistes et en étant le lien direct entre eux et les radios. Mon invité est attaché de presse, il est connu de nombreuses grande radio nationale et locale où il passe régulièrement, sauf Fréquence Protestante. Et bah du coup, bah il va pouvoir nous rajouter dans sa liste de radios visitées maintenant. Mon invité se nomme Jean-Michel Canitro, bienvenue à vous. Bonjour Eddy, vous allez bien? Très bien. Je suis ravi de vous retrouver, je suis très heureux d'être ici. Effectivement, je vais pouvoir rajouter Fréquence Protestante à ma liste de radios que j'ai plaisir à avoir, parce que moi je suis un grand fan de la radio, comme vous l'avez dit, et toujours très très curieux et émerveillé de voir comment ça se passe. Oui, ça se voit, vous avez les yeux qui brillent là, justement. Tout à fait, et puis en plus le fait de me retrouver devant un micro, il y a quelque chose de magique. Et alors, pas n'importe quel micro, celui d'une radio associative, et justement je vais commencer avec cette question, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs d'être au micro d'une radio associative? Oui, parce que dans ma carrière radiophonique, j'ai commencé sur une radio, on va pas dire associative, à l'époque c'était plutôt des radios libres. Donc j'ai travaillé sur une petite radio de banlieue en Seine-et-Marne. Et puis de fil en aiguille, je me suis pris au jeu et j'ai eu la chance ensuite de travailler sur de grosses radios. Alors on va revenir plus en détail là-dessus. Juste avant, on va commencer par le commencement. Moi je voudrais savoir, la radio, le virus, comment vous l'avez attrapé? En fait, dans votre introduction, vous parliez de choses qui sont pour moi complémentaires, intrinsèquement. C'est la musique et la radio. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Donc la musique, c'est mon premier amour. Et j'ai été amoureux de la musique avant même de pouvoir faire de la radio en tant que simple auditeur. Je me souviens de nuits blanches passées pendant mon adolescence avec mon poste radio grandes ondes sous l'oreiller. Et j'écoutais... On était avant les radios libres. Voilà, exactement. Et j'écoutais, j'écoutais Europe 1, j'écoutais RTL, et j'écoutais aussi sur les petites ondes ou les ondes courtes des radios offshore anglaises. Donc voilà, ça m'est venu comme ça, et je me suis dit à un moment, mais oui, un jour, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire de la radio. Et en écoutant la radio, j'ai découvert plein de choses au niveau de la musique. Ça m'a fait aimer de la musique. Et de fil en aiguille, je me suis dit, non seulement je vais faire de la radio, mais si j'ai la possibilité, je vais travailler dans la musique. Donc, j'ai pas eu la chance de travailler en radio tout de suite, mais j'ai été à l'époque disc jockey. On dit alors, DJ maintenant. Oui, et donc, alors, j'ai travaillé en boîte. D'accord. Et au niveau des radios, vous n'avez pas tenté de frapper à la porte d'RTL, d'Europe 1, juste pour visiter en tant que passionné, pour rencontrer les voix que vous écoutiez la nuit? Non, pas la nuit, mais vous ne croyez pas si mal dire, parce qu'en fait, en tant que fan de la radio et émerveillé de tout ce qui se passe, j'ai assisté pendant mon adolescence à pas mal d'émissions de radio. Et donc, j'allais à la rue François 1er à l'époque, ils y étaient encore, Europe 1. J'allais passer des moments pour écouter des émissions de radio dans le studio Merlin. Et j'allais aussi voir au drugstore Publicis à l'époque, au rond-point des Champs-Élysées, Yann Egan, qui faisait l'émission Drugstore en direct tous les soirs sur Europe 1. Et puis, il m'arrivait aussi d'aller à RTL. Mais j'étais plus Europe 1 à l'époque. Et vous avez dialogué avec eux, vous avez échangé. Est-ce que vous leur avez parlé de votre envie de vous lancer dans ce métier? Oui, mais c'était un peu abstrait pour moi. Et puis, je voulais pas forcément faire le petit jeune demandeur. J'ai fait comprendre que ça m'intéressait. Rien ne m'a été proposé concrètement. Donc, du coup, j'ai un petit peu lâché l'affaire, comme on dit. Et puis, je me suis retrouvé plutôt disque jockey. Et donc, votre premier micro, vous l'avez dit, donc c'était sur une radio offshore qui s'appelait The Voice of Peace. Exactement. Donc, alors, comment vous êtes arrivé là-bas, justement? Au bout d'un moment, où j'ai un petit peu fait le tour de la question en France, pour des raisons à la fois personnelles et peut-être un peu professionnelles, mais surtout personnelles, ben, je me suis mis un peu au vert pour un congé sabbatique, on peut le dire ainsi, c'est tout à fait approprié, parce que je suis parti un an en Israël. Et donc, en Israël, il y avait une radio qui n'existe plus, mais qui était une radio offshore sur le modèle de Radio Caroline, par exemple, et qui émettait au large de Tel Aviv, dans la Méditerranée, et dont le message était un message de paix. The Voice of Peace, la voix de la paix, qui était une station de radio montée par des Israéliens, et qui diffusait de la musique telle qu'on pouvait l'entendre sur les radios anglaises, les radios américaines, mais qui avait aussi, au-delà de la programmation, un message de paix. Donc voilà, j'ai eu l'occasion d'aller les voir, là, pour le coup, et j'ai été les voir dans leur studio, parce qu'ils avaient des studios aussi à Tel Aviv. Et puis, on m'a proposé de faire quelques petits essais, et je m'y suis plié avec beaucoup de joie. Et du coup, vous prenez le micro et vous faisiez vos émissions en anglais ou en français ? En anglais, ouais. Mais effectivement, il y avait aussi des gens qui faisaient des émissions en français. Mais bon, j'ai pas vraiment fait beaucoup d'antennes chez eux. C'était, j'étais adolescent, donc c'était vraiment pour moi des balbutiements. Mais ça m'a ouvert les yeux. Et quand je suis revenu en France, je me suis dit, j'aimerais faire de la radio. À l'époque, puisque c'était en 1978, ça ne nous rajeunit pas, les radios libres n'existaient pas. Donc, la seule chose que je pouvais faire, c'était travailler dans la musique. Et j'ai eu l'opportunité de travailler dans un magasin de disques, légendaire, mythique, on pourrait dire même, sur les Champs-Élysées à l'époque, Lido Musique, qui est devenu Tristesse Sephora. J'espère qu'ils sont pas dans vos annonceurs. Non, je crois pas. Mais bon, voilà. Et puis, après, j'ai travaillé, comme je vous le disais tout à l'heure, comme disque jockey. J'ai eu l'occasion, la chance de travailler dans des grandes discothèques parisiennes comme le Rose Bonbon, le Golfe de Rouault, le Gibus. Et à l'époque, quand j'étais au Golfe de Rouault, justement, quelqu'un est venu me voir et m'a dit, écoute, il y a des radios libres qui se créent. Pourquoi tu postulerais pas pour travailler dans une de ces radios? Et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, si je me trompe pas, c'était Canal 75, cette radio, non ? Canal 75, exactement, ouais, tout à fait. Première radio libre parisienne qui émettait sur les toits de la capitale. La radio a été saisie, donc ça a pas duré très longtemps. Comme beaucoup de radios libres à l'époque, on dira. C'est ça, on a vu les cartes de CRS arriver. Et puis, après, je me suis localisé, on peut le dire ainsi, vers une radio de ma banlieue en Seine-et-Marne. Et c'était Radio Brie FM. Qui était à Roissy-en-Brie. Dans un garage. Donc voilà, c'est vraiment l'archétype de la radio libre. Et qu'est-ce que vous faisiez sur Brie FM, par exemple ? Quel genre d'émission ? Qu'est-ce que vous y apprenez ? C'était une émission, deux émissions musicales. Une émission sur le rock américain, déjà. Et puis une émission, voilà, parce que c'était un petit peu le délire de l'époque, une émission sur le punk et la new wave. Qui s'appelait Sauf qui punk. Ah, magnifique. Fallait le trouver, non ? Oui, fallait le trouver. Donc, Brie FM, l'aventure aura duré, là aussi, je pense, pas longtemps ? Pas longtemps, non. Mais non pas que la radio ait cessé d'émettre, mais simplement que j'ai été approché pour travailler sur une radio qui était là, pour le coup, mythique. Et vraiment, j'avais envie d'y aller. Et quand on vous appelle pour vous dire « Venez travailler dans cette radio », on dit pas non, c'était RFM. RFM, la radio couleur à l'époque, qui émettait depuis le centre commercial de Vélizy 2. Et alors, on vous a contacté ? Tout à fait, tout à fait. Et alors, par quel biais ? Est-ce que c'est par votre biais de métier de disque jockey ou... Non, en fait, c'est des connaissances. C'était un ami à moi qui était déjà là-bas. Et... que j'ai pu voir et qui m'a reçu et qui m'a dit on te met en essai ce week-end, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça se passait. Ça a dû vous faire drôle de vous retrouver au micro d'une radio comme RFM. Ah, mais pour moi, c'était un rêve. Puis en plus, musicalement, RFM, c'était un fantasme pour moi. Tout le rock américain, des grands noms de la musique californienne, c'était que du bonheur. Sans compter aussi Patrick Meyer, son fondateur. Il y a eu Mythique. Coluche également. Oui. Ah oui, bah oui, j'ai vu Coluche à l'époque. Patrick Meyer, qui était quand même Monsieur Patrick Meyer, une forte personnalité, une forte tête aussi. Mais bon, voilà, quelque part, il nous a appris notre métier. Et même si il nous doit beaucoup parce qu'on était bénévoles, nous, on lui doit aussi beaucoup parce que grâce à lui. On est passé de la radio libre à la radio professionnelle. Il y a eu l'histoire du brouillage aussi, alors je ne sais plus en quelle année exactement, qui avait duré, plus de 400 jours, non ? Ouais, le brouillage, c'était de mémoire, c'était en 1982, puisque Patrick Meyer avait, essayé de forcer la main des pouvoirs publics en disant, je veux faire de la pub, j'ai le plus gros émetteur de la région parisienne, quelque part c'est un bras d'honneur, et le CSA à l'époque c'était la haute autorité, et plus le ministère de la communication ont décidé de brouiller RFM, et là oui, je travaillais à l'époque aussi du brouillage, et c'était une période très très dure. Et alors puisque vous êtes un ancien de RFM Radio Couleur, là je vais poser la question que beaucoup de gens se posent. Alors, RFM, ça veut dire quoi vraiment ? Est-ce que ça a une signification particulière ? Parce que même Patrick Meyer, je pense qu'on lui a posé la question, il répondait un peu à côté. On sait que Énergie, c'est une nouvelle radio pour les jeunes. Il me semble, en tout cas. Oui, c'est ça. Oui, voilà. C'est ça. RFM, je pense que c'est Radio for Music. Mais bon, à l'époque, c'est aussi parce que c'était la radio qui émettait en FM. À l'époque, effectivement... On se plaisait à dire que c'était en FM et en stéréo. Mais Radio for Music, elle me plaît bien, je la valide. Moi aussi. On l'apprend. On va faire une première pause musicale, Jean-Michel, avec un morceau que vous avez choisi. Alors un morceau qui nous ramène, je pense, dans cette période des années 80, c'est Fleetwood Mac. Pourquoi ce choix ? Fleetwood Mac, parce que c'est un de mes groupes favoris. Alors pour moi, ça a été un peu un dilemme de vous donner... deux titres seulement, parce que ça tiendrait qu'à moi, je vous en aurais sorti 15. Mais bon, on est là aussi pour parler et pas simplement écouter de la musique, à la différence de ce que j'ai fait dans mes expériences radio, où la musique était beaucoup plus en avant. Donc, Fleetwood Mac, pour moi, ça a été un de mes groupes favoris, un des groupes qui existe toujours d'ailleurs, mais que j'ai pu voir plusieurs fois en concert. Et il y a la magie des mélodies, la magie des arrangements et puis ce talent de ces musiciens, que ce soit Mick Fleetwood, Christine McVie et la voix sublime de Stevie Nicks. Tell me Un bon petit retour musical dans les années 80 grâce à Jean-Michel Canitro qui est avec nous dans la mécanique des ondes sur Fréquence Protestante. C'était Little Lies. Oui, l'album Tango in the Night, 1987. 1987. Et ben justement, on va parler de ce que vous faisiez en 1987, enfin un petit peu avant, puisque là on était sur RFM, la radio couleur. Vous y êtes resté combien de temps ? Je suis resté 3 ans à RFM, donc je suis arrivé avant le brouillage et je suis parti peu de temps après le brouillage. La plupart du temps où j'étais à RFM, on était à Vélizy, j'ai connu un déménagement à La Défense et puis après ben, je suis parti vers d'autres ondes. Alors d'autres ondes qui se nommaient comment ? Parce que je pense qu'il y avait... Alors il y avait le Poste Parisien, il y avait Kiss FM, excusez-moi la liste est un petit peu longue mais... On peut dire que l'expérience qui a été ensuite très marquante pour moi après RFM, c'est mon arrivée à Skyrock. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé à Skyrock, ce n'était pas encore Skyrock, c'était La Voix du Lézard. Que Pierre Bélanger avait fondé. Exactement. Pierre Bélanger que j'avais rencontré à l'époque même avant. Et donc, c'était en pleine période, justement. Vous parliez tout à l'heure de cette période de Canal 75. Lui, il avait monté Radio Cité Future avec le regretté Marc Garcia. Donc, là aussi, j'ai eu la possibilité de rentrer à La Voix du Lézard. Et là où c'était excitant, c'est que cette radio était en pleine mue. Ça devenait Skyrock, la super radio, avec un son et des jingles qui bluffaient tout le monde. C'est vrai que c'était quand même... Ils avaient fait vraiment très, très fort. Et c'était encore aussi l'époque où on était un petit peu libre de programmer ce qu'on voulait. Donc, j'ai commencé tout simplement en tant qu'animateur le week-end. Et j'ai proposé un concept d'émission qui a été... on peut le dire, un succès, et dont on me parle encore, qui s'appelait Skyrock Connection. Et qui est Skyrock Connection, c'était, on passait en revue le dimanche soir pendant 3 heures, 4 heures peut-être même, toute l'actualité musicale américaine, avec des standards, avec des hits, avec des golds, et aussi les classements de l'American Top 40. Et alors, comment ça se préparait, cette émission, justement, à une époque où on n'avait pas Internet pour rechercher les actualités, les musiques? Alors, ça se préparait, il faut dire qu'il y avait, oui, beaucoup de temps de préparation. Hein. Pour 4 heures d'émission, il y avait pratiquement 4 heures de préparation. J'avais la Bible de ce qu'on pouvait considérer comme l'essentiel de ce qui pouvait nous influencer au niveau de la programmation musicale. C'est le Billboard, magazine Billboard, hebdomadaire, avec tous les classements américains et puis avec aussi des informations sur les artistes. J'avais aussi, il faut le dire, je le salue au passage, un ami, c'est Jean-Luc Raymond, qui m'aidait aussi dans la préparation de l'émission et qui me préparait, entre guillemets, des petites fiches, des présentations d'artistes, etc. Mais voilà, c'est vrai que ça prenait beaucoup de temps. Et alors... il y a un moment sur lequel je voudrais qu'on revienne un peu sur l'époque Skyrock Connection. En janvier 1988, vous avez fait une émission en duplex avec Radio Moscou en Russie. Oui. Alors, pourquoi cette initiative ? Alors là, ça n'a rien, pas grand-chose à voir finalement avec l'Amérique, puisque tout d'un coup, Pierre Bélanger me dit Jean-Michel, on va faire le premier direct. D'ailleurs, il me semble que c'est homologué dans le livre des records. On va faire le premier direct entre une radio russe et une radio française. Et je lui dis ok, d'accord. Donc c'est moi qui vais m'y coller. Il m'a dit oui, tu y vas. Donc l'émission a bien eu lieu. J'étais accueilli en grande pompe, on peut presque le dire ainsi, à Moscou par les grosses huiles de la radio russe. À l'époque, c'était encore l'Union soviétique, donc il y avait un petit côté un peu strict, très très officiel. C'était une émission dans laquelle je diffuser des artistes français, pour le coup rien d'américain, encore une fois des artistes français, et eux en boomerang, ils diffusaient les meilleurs artistes rock soviétiques. Du coup c'était un échange entre deux pays, quoi. C'est ça. Et on a été diffusé sur tout le réseau de la radio russe et soviétique, donc je crois qu'il y avait 30 fréquences, enfin c'était phénoménal. Et alors, pour ceux qui se demandent à quoi ça pouvait ressembler, écoute un petit extrait. Skyrock, Super Radio. Toujours plus fort avec Skyrock. Pugacheva, c'était la Lionne. N'est-ce pas? C'était Pugacheva avec la Lionne, Sacha et Sergueï. Comment ça fait un bruit de Lionne en Union soviétique? Oh, ça s'appelle comme en français. Waouh! Oui, c'est ça, why, c'est ça. D'accord, donc ça fait à peu près. C'est de la Lionne et pas du Lion. Et qu'est-ce que, maintenant, qu'est-ce qu'on passe? Eh bien, Rita Mitsuko. C'est un duo. D'accord? Un duo de choc du rock français. Fred Chichin, guitariste fou, et Catherine Ringer, comédienne, danseuse et chanteuse. À eux deux, ils constituent ce que le rock nous a donné de plus extravagant depuis les dernières années. Rita Mitsuko. Skyrock, connexion. Tant qu'il y aura du rock'n'roll. Ça fait quelque chose, hein? Ah oui, ça fait quelque chose. J'ai des images dans la tête qui me reviennent comme ça. Il faut dire que bon, bah quand je suis arrivé, vous me disiez tout à l'heure que j'étais un grand curieux de ce qui se passe derrière les micros dans la radio. Et quand je suis arrivé à Radio Moscou, je veux pas être désobligeant, mais j'avais vraiment l'impression de faire un bond en arrière de 50 ans avec des studios, mais qui étaient d'un autre temps. Mais bon, voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis c'était formidable. Et d'ailleurs, j'avais avec moi des vinyles, hein, puisqu'à l'époque il y avait pas de possibilité d'envoyer des titres par internet. Et puis surtout ce genre d'expérience, en tout cas, ça reste unique dans l'histoire de la radio. En tout cas, à ma connaissance, ça ne s'est pas refait depuis. Non, c'est dommage. C'était une bonne initiative. J'aurais bien voulu que ça se reproduise, mais peut-être que ça sera pour une autre fois. Si on nous écoute. Hein. Avec plaisir. Bon, en tout cas, Skyrock Connection, globalement, ça a duré combien d'années? 3 ans? Ça a duré 3 ans, 3 ans et demi, et malheureusement, comme toutes les belles histoires, ça a dû s'arrêter pour des raisons que vous pouvez imaginer totalement indépendantes de ma volonté. Mais il y avait un argument suprême. Skyrock changeait de format et se rapprochait de ce que Skyrock est maintenant. Je critique pas, ils ont leur truc, c'est très bien, ça marche très très fort, je suis content pour eux. Mais bon, bah du coup, ouais. Une émission de rock sur une émission qui commençait à passer du hip-hop, c'était plus possible. Et donc du coup, vous êtes reconverti, vous êtes retourné vers vos premiers amours, la musique. Oui, bah en fait, j'ai pas quitté cet amour de la musique et je me suis retrouvé à me dire bah voilà, qu'est-ce que je vais faire. Et donc j'ai pu, heureusement, parce que j'avais pas lâché mon métier pour la radio, je me suis pas retrouvé dépourvu comme ça du jour au lendemain. Bah j'ai pu continuer à travailler aussi dans la promotion d'artistes et dans les maisons de disques. Et vous avez fondé votre propre boîte en quelle année, dites-moi? Alors, 1998. Canitro & Co. Canitro & Co. Donc voilà, après avoir eu un cursus, on peut le dire, assez riche, intense, et à la fois dans les radios, où je ne travaillais que le week-end, hein, il faut bien le dire aussi, parce que sinon je pouvais pas faire deux choses en même temps, j'ai pu aussi travailler dans la semaine dans différentes maisons de disques, et non des moindres. J'ai commencé chez Virgin, rue de Belleville, grande époque pour Virgin. J'ai travaillé ensuite chez CBS, Sony Music maintenant, et puis chez Universal. Donc voilà, ça m'a permis aussi d'avoir une expérience complémentaire et toujours dans la musique. Et alors, qu'est-ce qui vous a motivé à créer votre propre boîte? Alors, ce qui m'a motivé, on peut le dire quand même, c'est qu'à un moment, il y a eu un plan social dans la maison de disque, la dernière maison de disque où j'étais, et j'avais la possibilité de partir avec un beau chèque. Donc, j'en ai profité et je me suis dit, voilà, j'ai un réseau relationnel. Je crois savoir ce que je fais. Je me suis dit, voilà, ce réseau, je vais le mettre au profit des gens qui voudront bosser avec moi et des artistes qui me font confiance. Et c'est comme ça qu'est né Canitro & Co. Canitro & Co qui, je cite, concilie les valeurs de la promotion vintage et les nouveaux moyens de communication. Oui, parce que effectivement, c'est l'alliance de cette expérience. Ça fait depuis 1980 que je travaille dans la musique. Donc c'est l'alliance de l'expérience que j'ai et des contacts que j'ai depuis le temps. Et puis quand même une nécessité d'être up to date au niveau du travail et des moyens de travailler. Alors, vous avez eu sous votre aile de nombreux artistes, des grosses pointures, notamment, je pense à Texas, oui, par exemple. Tout à fait. Il y a aussi toute une nouvelle génération de jeunes talents, donc Moi, celui qui me vient en tête, là, par exemple, parce que ça marche bien sur les ondes, c'est Divaphone. C'est complètement ça, ouais, Divaphone. Là, je travaille actuellement aussi, je suis très heureux de travailler avec eux. Je travaille aussi sur l'album, c'est un peu triste, mais l'album posthume des Cranberries, qui sort au mois d'avril. Un petit coup de promo, excusez-moi. C'est pas mais le problème. Voilà, donc oui, je suis très heureux de ce que je fais, parce que là aussi, je travaille à la fois sur des artistes qui sont connus, qui sont des marques, mais... là où je m'éclate le plus, c'est dans le développement de nouveaux artistes comme ceux que vous avez cités, Divaphone et puis d'autres. Et alors, comment ça se passe pour rechercher ces jeunes talents? Est-ce que c'est des gens qu'on vous propose ou c'est des recherches que vous faites? C'est à l'écoute? En général, c'est des gens qu'on me propose. Voilà. Donc, je travaille sur peu d'artistes parce que je suis un peu un électron libre, donc je travaille seul. Donc, je n'ai pas une capacité d'absorption énorme. Donc je choisis les artistes sur lesquels je travaille. J'en refuse beaucoup, mais il m'arrive de prendre des artistes aussi en développement ou des artistes qui n'ont pas de maison de disque, simplement parce que j'ai un coup de cœur. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et quand vous prenez un artiste, ensuite vous le proposez aux radios, vous rendez sur place avec eux. Oui. Comment ça se passe? Alors mon travail au quotidien, c'est ce qu'on appelle du radio plugging. Donc voilà. To plug. Se brancher. Voilà. Et c'est, excusez-moi les anglicismes, hein, c'est beaucoup de phoning. Voilà. Hein. Mon instrument de travail numéro un, c'est mon téléphone. Et puis aussi email et Facebook, qui devient vraiment un outil de travail très important. Voilà. Donc mon travail, c'est de vraiment d'être en contact avec les radios, avec les programmateurs de radio, les directeurs de programme, les animateurs, et de leur proposer les artistes sur lesquels je travaille. Premièrement, pour qu'il y ait une diffusion des nouveaux singles, des nouveaux titres qui sortent. Et puis après, autour de ça, si le succès est là, d'organiser soit des showcases, soit la venue d'artistes, des interviews et des plateaux radio. Sur les grosses radios nationales comme sur les locales et régionales. Tout à fait, parce que moi j'ai comme ligne de conduite qu'il faut travailler avec tout le monde. Je ne fais pas d'exclusion. Je m'entends très bien avec les grosses radios nationales. Je les aime beaucoup, mais j'aime aussi beaucoup les radios en région et aussi les radios associatives. Donc voilà, je considère que quelque part, si on veut imaginer les choses, le développement et le succès d'un artiste, c'est un peu une pyramide qu'on construit. Alors avant d'arriver au sommet, il faut construire la base. Tout à fait. Et alors, selon vous, pour faire votre métier, quelles seraient les qualités requises pour être attaché de presse? Je pense qu'il faut avoir envie de le faire. Tout simplement. Je sais qu'il y a des écoles d'attachés de presse. comme il y a des écoles d'animateurs. Alors moi, j'ai été dans aucune des deux. J'ai vraiment eu une vocation pour travailler dans la musique, aussi bien en radio que dans les maisons de disques. Évidemment actuellement en tant qu'attaché de presse pour Canitro & Co. Mais voilà, c'est une vocation, c'est aussi une passion qui m'aide quand il y a des moments où ça ne marche pas, parce que on ne réussit pas tout, donc il faut savoir aussi gérer les frustrations qui sont les nôtres, qui sont aussi les frustrations des artistes quand ils nous font confiance et qu'un projet ne marche pas. Et puis bon, voilà, on est très heureux aussi de gérer le succès, heureusement, des artistes qui marchent. On a un grand passionné de musique dans les studios. Ça s'entend et ça Merci. Se voit. Merci. Et ça va s'entendre, je pense, encore plus avec le deuxième choix musical que vous avez fait, Kenny Loggins, encore dans les années 80, avec Heart to Heart. C'est un des titres que je préfère. L'album High Adventure. Kenny Loggins, qui a été connu aux États-Unis au début avec son collègue et son compère Jim Messina, donc c'était Loggins et Messina, et puis il a eu une carrière solo qui est formidable, qui continue, et sur ce titre qui s'appelle Heart to Heart, on retrouve aussi dans les chœurs un des grands amis de Kenny Loggins, c'est Michael McDonald, qui est une des voix des Doobie Brothers. You what you're feeling, there's a reason for. I wanna do right. Oh, gotta do right. Do I love you? Oh, you know I've tried. But what you after, can't find in my eyes. I'm gonna do right. Mm-hmm. Time I got to do right. I don't wanna leave, I don't wanna say goodbye. Sooner or later, honey, there comes a time. Mama, when you gotta do right. Oh, oh. Retour dans les années 80 à nouveau avec. C'est magique, non? Oui, très magique. Vous n'avez pas l'impression tout d'un coup qu'on est en Californie? Ah, si, ouais. On ferme les yeux, avec on se passe un coucher de soleil en face de la route 66, ouais. Pas loin. Heart to Heart de Kenny Loggins, donc une bonne soundtrack pour rester dans l'anglicisme. Complètement. Avec Jean-Michel Canitro, invité de la mécanique des ondes, attaché de presse donc, et fondateur et gérant de Canitro & Co, on en a parlé juste avant. Et malgré ça quand même, Jean-Michel, donc vous avez lâché le micro avec votre départ de Skyrock, mais comme on dit, hein, quand on s'éloigne d'un micro, on finit à un moment donné par y retourner. C'est un virus. Oui, ça vous lâche pas. Exactement. Et puis, faut le dire aussi que comme on me donne la chance, quand j'y retourne, de parler de musique, ça donne encore plus envie. Donc, en 2008, on vous retrouve à nouveau sur les ondes d'une radio musicale, mais qui rigole aussi, donc Rire et Chanson. Tout à fait, tout à fait. Là, c'est Alain Carré, qui était à l'époque directeur d'antenne, que je salue au passage, qui m'a dit, ah, tiens, Jean-Mi, on lance une nouvelle web radio qui s'appelle 100% Live, et puis on a besoin d'une émission pour la vitrine hertzienne de cette web radio. Et donc, il fallait tous les soirs que ça s'appelle Rire et Chanson 100% Live. Bon, je pouvais pas le faire tous les soirs, mais je le faisais le week-end, et c'était une émission où on passait à la fois des sketchs, donc ça, j'y touchais pas parce que c'est pas trop ma spécialité, mais je choisissais les titres des artistes en live. Et alors, rebelote en 2011, là vous participiez à une émission estivale sur le MOOV autour des radios libres pour les 30 ans de la libération des ondes. Ça s'appelait La folle histoire de la FM avec David Glaser et Denis Didelon. Tout à fait, deux amis que je salue au passage encore. Comme on est des enfants de la FM, on peut le dire ainsi, on a eu cette idée à un moment de faire une commémoration des 30 ans de la FM, donc voilà, il y a un petit moment déjà, et on a proposé notre projet à différentes radios qui nous ont reçus très gentiment, très poliment, en disant ouais, c'est pas mal, nanani, nanana, c'est bien, et la première radio qui nous a répondu favorablement, bah, c'était le MOOV. À l'époque, ça s'appelait encore le MOOV. À l'époque, ça passait encore du rock. Et on a pu mettre en onde une série estivale sur les 30 ans de la FM et qui nous a permis justement de repasser pas mal de documents d'époque, un petit peu à l'instar de ce que vous aviez diffusé tout à l'heure, de recevoir les grands noms de la FM. Donc effectivement, bah, on a eu les acteurs de l'époque et puis les patrons de Radio Actuelle. On a eu Jean-Paul Bodecrou, on a eu Pierre Bélanger. Nicolas Lespaul, je crois aussi, pour la FM. Oui, tout à fait. Et d'autres que j'oubliais à l'instant, je suis désolé, mais bon, voilà, c'était passionnant. Oui, j'imagine que la liste devait être énorme. Mais du coup, au final, faire du micro, ça vous manquait un peu quand même. Bah oui, forcément, ça manque. Mais je tiens à dire que moi, dans mon expérience radio, c'était pas l'idée, c'était pas de me mettre en avant et de dire ouais, je parle dans un micro, ouais, super, je suis sur RFM, je suis sur Skyrock, nanani, nanana. Mais c'était plutôt d'être programmateur musical. Et donc voilà, ma mission, c'est d'accompagner cette programmation, de la faire partager avec les gens. Et à la limite, si je pouvais passer de la musique sans parler, ça m'allait aussi. Du partage, donc. Complètement. Avant tout. Jean-Michel Canitro dans La Mécanique des Ondes qui partage avec nous son amour pour la radio, pour la musique et qui nous a présenté son métier. Ça change un peu des animateurs radio, mais c'est important de parler aussi de tous les autres métiers qui gravitent autour des ondes. Bien sûr. On va passer à la partie questionnaire maintenant, Jean-Michel, avec pour commencer la question capsule. C'est comme une capsule temporelle en fait, avec un mois de décalage. J'ai peur. L'invité de la précédente émission dépose une question pour l'invité suivant, et en l'occurrence c'est une voix de Skyrock actuelle, c'est Fred Musa qu'on a reçu le mois dernier, qui vous pose une question intéressante. Alors une question qui pourrait être au bac philosophie cette année. La radio FM, je parle, la FM a-t-elle encore un avenir? Pour moi, oui, c'est évident. La radio FM a un avenir, mais la radio au sens large du terme, parce que là, aujourd'hui, on parle de FM. Demain, c'est déjà en cours, on parle de DAB. Donc la radio, la façon d'écouter la radio, de la consommer, comme certains disent, change, évolue. Avant, on avait un poste radio, on l'a toujours peut-être, mais bon, on écoute de plus en plus la radio sur différents supports qui sont Internet ou les smartphones. Non, parce que ça, c'est une question intéressante, c'est vrai, parce que, en tout cas, c'est un sujet qui revient très souvent. On dit que la radio musicale actuelle est carrément menacée parce que les jeunes maintenant vont sur Deezer, sur Spotify, YouTube, etc. Ce qui n'est pas forcément vrai, non? La radio musicale a encore un rôle, je pense, prescripteur de talent. C'est ça, prescripteur de talent, et puis d'accompagner, parce qu'on peut écouter des films musicaux sur le web, c'est bien que ça existe, on peut se faire ses playlists aussi, je m'en fais aussi moi, je dois le dire, mais à un moment, on a besoin d'avoir une voix qui nous accompagne, on a besoin de contenu, donc je pense que c'est pour ça que la radio a encore de l'avenir. C'est l'attaché de presse qui parle. Ouais, mais c'est aussi la personne qui aime la radio. Tout à fait, et la musique. Et la musique. On précise. On va terminer maintenant avec le questionnaire rapide, Jean-Michel. Vous êtes prêt? Ouais. Alors c'est parti. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle? Georges Lang. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Radio Caroline. The only one. Oui. Quelle radio vous réveille le matin? Europe 1. Quelle radio vous endort le soir? RTL. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? Ma salle de bain. Un endroit où vous n'écoutez jamais? Un petit coin. J'attends toujours la réponse à chaque fois, c'est toujours la question difficile. Votre meilleur souvenir de radio ou d'attaché de presse? C'est difficile parce que il y en a eu tellement, mais pour moi, mon meilleur souvenir... je peux le dire encore, oui, c'est RFM, la radio couleur. Le pire? Quand Skyrock Connection s'est arrêté. Et enfin, un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire de la radio? D'y aller à fond, d'y croire, de ne rien lâcher et de travailler intensément. Très bien, tout simplement. En tout cas, merci Jean-Michel Canitro d'avoir partagé ces quelques instants avec nous, d'avoir partagé votre parcours, votre profession. C'était très intéressant. Un plaisir. Et on vous retrouve nulle part, mais si on entend Vivaphone, The Cranberries ou Texas. Texas ou la nouvelle scène française de demain, et ben on pensera à vous. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de cette mécanique des ondes et merci à Emmanuel de l'autre côté de la vitre qui a géré la mécanique. Bravo. Et n'oubliez pas, émission à retrouver en podcast sur fréquenceprotestante.com et sur les réseaux sociaux de la mécanique des ondes.